ok, laisse, je vais riffer en mi, hein. On va voir. Un truc simple, ce serait un truc juste pour le fun. croiserai nos fiers guerriers, grand Dieu, par les mains enchaînées, devant ce jour, ce poids la rue.